Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, question 92. Des vices opposés à la religion, et d'abord de la superstition. Que la superstition, opposée à la religion, se divise en quatre espèces. 1. La superstition est-elle un vice contraire à la religion? La superstition est un vice contraire à la religion par excès. Non pas qu'elle rende à Dieu plus de culte que la religion, mais elle rend le culte divin ou à qui il n'est pas dû, ou comme il ne faut pas le rendre. 2. Y a-t-il diverses espèces de superstitions? La superstition se divise en quatre espèces, qui sont, le culte illégitime, l'idolâtrie, la divination, et les vaines observances. Nous allons en parler successivement.